France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. On prépare le réveillon ce matin sur la 42e rue de France Musique. C'est Pierre Coffin, le réalisateur du dessin animé Les Mignons, qui m'a mis la puce à l'oreille. Lorsque je fais bouger un personnage de dessin animé, disait-il, il y a quelques semaines sur la 42e rue de France Musique, je crée en fait une chorégraphie. C'est comme une comédie musicale. Alors ce matin, pour ce dernier 42e rue de l'année, je vous propose un numéro de fête empli de personnages de dessins animés qui chantent et qui dansent. Bonjour à tous. Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you, each night we are apart. Remember me, though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again. Remember. Feet of snow, I mean. This is a day when it's hard to wear a frown. All the happy people stop to say hello. Get out of my way! Even though the temperature's low. It's a perfect Sunday morning in my quiet little mountain town. Well, good morning, Stan. Mom, can I have $8 to see a movie? A movie? But I thought you were going ice skating. But this is gonna be the best movie ever. It's a foreign film from Canada. All right, here you go. But be back for supper. Thanks, Mom. What a picture-perfect child, just like Jesus, he's tender and mild. He'd wear a smile while he wore a thorny crown. What an angel with a heart so sweet and sure, and a mind so open and pure. Thank God we live in this quiet redneck mountain town. Hi, is your son home? I think so. Hey! Ow! Kenny, wake up! Kenny, damn it, come on! Kenny! Kenny, the Terrence and Phillip movie is out. You want to come? Where do you think you're going? You can't. You have to go to church. Well, fine. Go ahead and miss church. And then when you die and go to hell, you can answer to Satan! You can see your breath hanging in the air. You see homeless people, but you just don't care. It's a sea of smiles in which we'd be glad to drown. That's right, it's Sunday morning in our quiet little white bread redneck mountain town. Okay, Ike, let's try this one more time. Ready, Ike? Kick the baby. Kick the baby. Kyle, we're going to the Terrence and Phillip movie. Oh my god, dude! Kyle, what's going on? Nothing. We're going skating now. Oh, well, take your little brother out with you. Aw, Ma. He's not even my real brother. He's adopted. Do as I say, Kyle! Okay, I'm sorry. Look at those frail and fragile boys. It really gets me down. The world is such a rotten place, and city life's a complete disgrace. That's why I moved to this redneck for sugar in a quiet mountain town. It's been 6 weeks since Saddam Hussein was killed by a pack of wild boars, and the world is still glad to be rid of him. Oh, look, Eric, it's your little friends. Bunny Man! What are you guys doing here? We did? Yes! Yes! Off to the movies we shall go, where we learn everything that we know, cause the movies teach us what our parents don't have time to say. And this movie's gonna make our lives complete, cause Terrence and Phillip are sweet. Super sweet. Comédie musicale et dessin animé ce matin sur la 42e rue en fête de France Musique. Avec à l'instant, sur une gentillette musique à la Walt Disney, la déambulation dans une ville moyenne américaine paumée de quatre garnements très jeunes, 6 à 8 ans, au look très naïf, insultés par les passants qui sautent par-dessus des SDF ou tapent dans un bébé comme dans un ballon de foot. Ils vont ensemble au cinéma voir le nouveau film Fesses en feu. On devra à leurs auteurs, Trey Parker et Matt Stone, quelques années plus tard, le renouveau de Broadway avec une comédie musicale dans exactement le même esprit, bête et méchant, qui se moque crûment des missionnaires mormons, intitulée Book of Mormons, une véritable comédie musicale sur scène. Alors ici, c'était donc un extrait de South Park, le film, et une chanson composée par Mark Shyman qui, pour la petite histoire, a composé les chansons du retour de Mary Poppins avec Lin-Manuel Miranda et Emily Blunt, un film qui sortira dans exactement un an. Et puis auparavant, vous avez peut-être reconnu la chanson phare de Coco, le dernier Pixar, composée par l'auteur des chansons de La Reine des Neiges. Dans le dessin animé, beaucoup de choses ont débuté en chanson. Félix le chat ne chantait pas, la série était muette, mais Betty Boop, si. Et la première fois qu'elle apparaît dans un dessin animé, elle est vedette de cabaret et chante sur une estrade dans une tenue affriolante. Sa voix, très particulière, quasiment de bébé, son physique sont inspirés d'une vedette de l'époque, Ellen Kane, qui était devenue célèbre notamment avec cette chanson, It's So Unusual. You talk of sweeties, bashful sweeties, I got one of those. Oh, he's handsome as can be, but he worries me. He goes to college and gathers knowledge. What that boy knows, he's up in his Latin and Greek, but in his chicanese weak. 'Cause when I want some lovin' and I gotta have some lovin', he says, please, stop it, please. He's so unusual. And when I want some kisses and I gotta have some kisses, he says, no, let me go. He's so unusual. I know lots of boys who could be crazy over me if they only had this fellow's opportunity. You know, I would let him test me, but the darn fool, he doesn't let me. Oh, he's so unusual that he drives me wild. moonlight. He says, I don't like the moonlight. Oh, let's not talk in the dark. He's so unusual. And when we're riding in a taxi, he converses with the chauffeur. Oh, why don't he talk to me? Oh, he's so different. Others would be tickled pink to bump up it up it out. He don't even know what bump-a-dump-bump-a-dump's about. He says love is hokum. Gee, I'd like to choke him. Cause he's so unusual that he drives me wild. Just my style. Everywhere I go, telling everyone I know, baby, I love to see you smile. Don't wanna take a trip to China. Don't wanna sail up the Nile. Wouldn't wanna get too far from where you are. Cause I love to see you smile. In the summer, in the springtime, winter or fall, the only place I wanna be is where I can see you smile at me. Like a sink without a faucet. Like a watch without a dial. What would I do if I didn't have you? I love to see you smile. des voix de dessin animé un peu tranchées qui chantent ce matin sur la 42e rue, qui mélange dessin animé et comédie musicale. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Homer Simpson dans la série Les Simpsons. Un instant Homer, à savoir la voix très particulière de Dan Castellaneta, reprenait dans un album intitulé Les Simpsons chantent le blues, I love to see you smile, une chanson du compositeur Randy Newman. Puisqu'on est dans les voix très particulières, je ne peux m'empêcher d'entendre à nouveau les mignons. Vous savez, ces petits personnages bleus et jaunes en forme de gélules, créés par le graphiste français Éric Guillon et par le réalisateur Pierre Coffin, que nous avons eu la chance de recevoir il y a quelques semaines, grand fan de comédie musicale. Il nous expliquait que dans les chansons, c'est aussi lui qui prête sa voix à tous les personnages des mignons, même lorsqu'ils reprennent par exemple en chœur un fameux air des Pirates de Penzance de Gilbert et Sullivan. Patami, lomi, la taca, tiki, pouletica, c'est pas la joie des mythos, calana, moule, macarena. Paoletus, papo, pati, mais laissez pas macagusta, mami, les belles, mais la moustache, elle a pica, moucha. Moca, coca, pila, caca, fissa, bella, la masala, papa, mama, loca, pipa, po, la gusta, la rumata, j'ai pas codami, la toca, boca, pizza, la lasagna. Kika la poma kabomba bella mira la Bologna. Kika la poma kabomba bella mira la Bologna. Kika la poma kabomba bella mira la Bologna. Kika la poma kabomba bella mota mira la Bologna. Pito pata milo mila taka tiki pouletica. C'est pas la joie des mito kala namoule macarena. Moka coca pila caca pisa bella la basala. Papa mama loca pipa pola gusta la romana. Moka coca pila caca pisa bella la basala. Papa mama loca pipa pola gusta la romana. J'ai pas qu'au dame, il a qu'au cabot, ça pisse à la lasagne. J'ai pas qu'au dame, il a qu'au cabot, ça pisse à la lasagne. Après Gilbert et Sullivan à la sauce dessin animé, voici Wagner à la sauce dessin animé. Ce matin, je vous propose maintenant une séance cinéma. Un dessin animé complet de 6 minutes, extraordinaire. D'ailleurs, on vous l'a mis sur la page de l'émission 42e rue, sur francemusique.fr. La chevauchée des Valkyries, revue et corrigée par Bugs Bunny. Alors, ça fait partie d'un DVD que je vous offre en ce 31 décembre. Ça s'appelle « Les plus beaux dessins animés musicaux des Looney Tunes ». On en a 3 pour vous, pour les recevoir et être tiré au sort. C'est très simple, vous avez l'habitude. Vous allez sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr et vous n'oubliez pas d'indiquer votre adresse. Ce dessin animé, s'intitule What's Opera Doc. Aux côtés de Bugs Bunny, il y a un chasseur, interprété par Elmer Fudd. C'est un dessin animé réalisé par Chuck Jones, écrit par Michael Maltese. Et pour une meilleure compréhension, je vous le propose en français ce matin. Accrochez vos ceintures. Bugs Bunny dans Quel opéra, docteur ? De bruit, je chasse le lapin. Des empreintes de lapin. Tu es le lapin, tu es le lapin, tu es le lapin. Tuer le lapin. Yaho to ho, yaho to ho, yaho to ho, yaho. Ô puissant guerrier, ô javelot vengeur, pour pourrais-je te demander un... Quoi neuf, docteur? Je dois tuer le lapin. Au puissant chasseur, ce n'est pas aisé. C'est un dur labeur, alors comment procéder? J'utiliserai ma lance et le casque magique. La lance et le casque magique. Casque magique. Casque magique. Casque magique. Casque magique. Oui, casque magique. Et son pouvoir est unique. Salut. C'était le lapin. Je n'y peux rien, c'est naturel. Oh Brunhilde, je meurs d'amour. Secret au fond de moi. Et pour toujours, je veux te garder près de moi. Un amour comme le mien, fait pour toi et pour moi. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Take my hand, Paris. Share your dreams with me. Take my heart to or buy me the Rivoli. Make me the belle of Place Pigalle, siren along the Seine. Make me the ultra, ultra doll Modigliani can claim as his mannequin. Pour your wine, Paris. Through the claret, gay Maxime's, set my heart free. Let me be grand and be seen hand in hand with Paris. sighing. Quelle même celle, ah, quelle belle. Show me the way to all my dreams. Through the claret at gay Maxime's, set my heart free. Let me be grand and be seen hand in hand with Harry. Dessin animé et comédie musicale ce matin sur la 42e rue de Fête de France Musique avec Judy Garland qui a prêté sa voix dans un dessin animé. En anglais, ça s'intitulait Gay Perry et en français, Chat, c'est Paris, un film de 61 écrit par John Jones. L'histoire d'une petite chatte dont la voix était prêtée par Judy Garland, prénommée Musette, qui s'ennuyait à la campagne et rêvait de découvrir Paris avec de superbes chansons signées Harold Arlen et Yip Harburg, les auteurs du Magicien d'Oz. En voici une autre chanson de Chat, c'est Paris, reprise par la comédienne et actrice Kate Baldwin. The glamour's gone, the shades are down, and Paris is only a lonely town, lonely. When love's a laugh and you're the clown, then Paris is only a dreary town, dreary. For the loveless clown, this town's a weary merry-go-round and round and round. The chestnut, the willow, the colors of Utrillo turn to gray-gray hues. The band oh, so lonely town. chimneys moan, the river cries. Each glamorous bridge is a bridge of sighs. River, river, won't you be my lover? Don't turn me down for a sailor come a-visiting. Why are you sad? I'm not sad. Oh, yes, you are. I am not. You are so. Not. Yes, you are. I'm lonesome. Well, you deserve to be lonesome. Lonesome's too good for you. Passing a law like that, not letting people sing and dance. Aren't you ashamed of yourself? I had her. What do you mean you had her? Well, a king's gotta do everything his subjects do, see? Only better. Well, I can't sing and I can't dance, so there had to be a law. I had a... You can't so sing and dance. Anybody can. Well, not anybody that's cranky and gloomy and grumpy, but anybody whose heart is big and warm and happy, they can. Go on, try it. Just for a minute, try being happy. If you worry, if you worry, if you bother your head, I do. It won't help you, it won't help you, it will hurt you instead. It will? Grouchers, groaners, cranks, and moaners, they're so unfair. I know. If you can't be gay and merry, lock yourself in solitary. Though it hurts you, though it hurts you, be a pleasanter guy. You may even learn to like it if you give it a try. I'll try. You could laugh and sing and dance as gaily as an elf, but don't expect to get much help if you don't help yourself. Will you try? If you show me. I'll show you. I'll try. Good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La la la la la la. La la la la la la. You see? It's easy. Thank you. Une 42e rue sur dessin animé et comédie musicale ne pouvait être complète sans la mythique scène où Gene Kelly apprend à Jerry, la souris de Tom et Jerry, à danser. On découvrait soudain la voix de infantile d'ailleurs de cette petite souris. C'était dans le film Escale à Hollywood en 1945 et c'était une prouesse technique à l'époque que cet acteur en chair et en os qui dansait à l'unisson avec une souris dessinée sur une chanson de Sammy Fine pour la musique et d'Arthur Fried pour les paroles. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Walt Disney, dès ses débuts, aussi a fait appel à la musique. Avant Blanche-Neige, en 1934, Frank Churchill compose le premier tube de chez Disney, un dessin animé étonnant, puisque si les trois petits cochons se ressemblent tous, chacun a sa personnalité, ce qui est nouveau dans le dessin animé. On peut donc donner une personnalité à un personnage, pas seulement par son physique, sa tête, mais aussi par sa façon de bouger. La chanson, vous la connaissez par cœur. This is love, so this is love, so this is what makes life divine. I'm all aglow, and now I know the key to all heaven is mine. My heart has wings, and I can fly. I'll touch every star in the sky. So this is the miracle that I've been dreaming of. So this is love. Has wings, and I can fly. I'll touch every star in the sky. And so this is the miracle. So this is love. So this is love. So this is love. So this is love. Tous les dessins animés de Walt Disney sont finalement des comédies musicales. C'est l'extrait d'un nouvel album intitulé Disney Loves Jazz, volume 2, qui vient de sortir. C'est la Sue et So This Is Love, une chanson qui a été composée pour le dessin animé Cendrillon en 1953. Mais en France aussi, certains de nos dessins animés virent à la comédie musicale. Alors voici une séquence que j'ai redécouverte grâce aux deux épatantes expositions sur René Goscinny, à Paris, à la Cinémathèque et au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Un extrait de la Ballade des Dalton avec le personnage de Lucky Luke en 1978 et un énorme clin d'œil à Chantons sous la pluie, 42e rue et Broadway. Il faut imaginer les frères Dalton, Joe, William, Jack, Avrel, en costume rose, chapeau de forme rose, canne à la main, descendant un grand escalier orné de dizaines de jolies filles en petite tenue qui lèvent la jambe, ou alors imaginez Joe qui s'accroche à un lampadaire en dansant et en chantant sous la pluie. Je vous conseille de revoir ce film qui vient de sortir en Blu-ray chez Citel Vidéo. La musique est signée Claude Bolling. En fait, c'est un rêve de Joe Dalton qui a un peu trop fumé le calumet de la paix. Visage pâle, pas avoir soif? Ouais. Mais je voudrais vous parler d'abord. Et sans vouloir vexer mon frère Rouge, je me méfie un peu de cette eau. Visage pâle, avoir cerveau sous scalp. Et pas avoir tort de nourrir méfiance dans son cœur. Et maintenant, face de terre cuite, tu vas... Moi, mettre poudre de champignons dans l'eau. Des champignons, ici? Moi, avoir cave très humide. À propos, visage pâle vouloir bière bien fraîche, limonade, ice cream soda. Quel effet vont leur faire vos champignons? Simplement faire de beaux rêves. Nous avoir tout le temps de parler. Écoutez, rêve commencé. Of your hand. sticking together like a brother should. Without each other, we never could. It's understood me, the handsome gun is known as Dalton's, dancing like feathers on a string. Witty and charming and so very chic, you'll have to admit that no one could be so neat than the famous Dalton boys. Ça va? Ouais. Dan, dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Et parfois, les dessins animés musicaux sont adaptés à Broadway en comédie musicale. À l'instant, par exemple, Anastasia, le dessin animé de la Fox avec les chansons de Stephen Flaherty et Lynn Ahrens, c'était Once Upon in December, un spectacle actuellement à l'affiche à Broadway. On attend l'année prochaine aussi l'adaptation de La Reine des Neiges. Et pendant ce temps-là, une toute nouvelle comédie musicale vient d'ouvrir, adaptée du dessin animé Bob l'Éponge du biologiste Steven Ellenberg. Alors, Bob l'éponge, vous le savez, c'est ce personnage à la Stan Laurel, avec son slip kangourou sous un short, sa minuscule cravate rouge, son nez en trompette, innocent, positif, qui travaille comme serveur sous-payé dans un fast-food des bas-fonds de l'océan, le crabe croustillant, avec dans cette comédie musicale à Broadway un numéro pétillant pour le restaurateur concurrent Sheldon Plankton, un petit copépode vert qui possède un restaurant bas de gamme et qui échoue tout le temps à voler la recette secrète du restaurant concurrent. À lui, la chanson intitulée « Je ne suis pas un loser ». I'm not a loser. I don't secretly hate myself. I'm not singing this to no one. It's not the case that no one cares. I'm not a failure. I don't not have talent. When others see me, they can't see the nobody that isn't there. Hold on. That's a triple negative. You can't not see nobody because I'm not nobody. Which can't not be seen. Let me start over. My life's not empty. They don't not like me at all. I don't not leave the house, 'cause I don't not prefer to stay at home. I don't stink. I'm not a waste. I'm not all alone in thinking that I am not all alone. Maybe I am a loser. Hey, Squidward. Huh? You're not delirious with despair, and you're not calling true things false. Hey, Squidward! This is weird. You're not hallucinating this sea anemone chorus line at all. I'm not? You're not a loser. You don't secretly hate yourself. You're not singing this to no one. It's not the case that no one cares. Okay. You're not a failure. You don't not have talent. When others see you, they can't see the nobody that isn't there. I'm not a loser. Not a loser. They don't not like me at all. No. I don't not leave the house, 'cause I don't not prefer to stay at stay home. At home. I'm not a waste. I'm not all alone in thinking that I am not all alone. Clarinet solo! Look at me now, mama! Stink. I'm not a waste. I'm not all alone in thinking that I'm not, not, not all alone. You are not alone. You are not alone. You are not, not, not, not, not, not, not, not, not. Gavin Lee dans Bob l'éponge, la comédie musicale actuellement à l'affiche à Broadway. On aura l'occasion de vous en reparler en 2018. Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez bien sûr la programmation de l'émission, mais on s'est aussi amusé à vous poster quelques vidéos de dessins animés musicaux pour passer un bon dimanche et bien préparer votre réveillon. C'est aussi sur francemusique.fr à la page de 42e rue que vous pourrez tenter de recevoir le DVD des chefs-d'œuvre musicaux de la Warner, les dessins animés Looney Tunes, qui est paru récemment. Nous vous mettons aussi sur cette page le lien pour voir à nouveau notre concert Noël à Broadway. C'était vendredi, il y a une semaine, avec Nathan Gunn, Damien Humbley, Cassidy Johnson et Deborah Myers, avec l'orchestre, le chœur et la maîtrise de Radio France. Un concert filmé et disponible donc sur la nouvelle plateforme multimédia de France Musique. Enfin, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag 42 rues et sur notre page Facebook. Je vous souhaite un très bon réveillon. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée et présentée par Laurent Vallière, préparée avec la collaboration de Martine Meunier, avec ce matin à la technique Delphine Baudet et à la réalisation Perrine Minguy. On se retrouve l'an prochain, dimanche prochain. Nous démarrons l'année avec un superbe concert de la BBC et du BBC Big Band autour du compositeur Harry Warren. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.